l'homme dépend de l'éternel. La cité de Dieu. Quand je te vois près de moi, tu es à mes côtés. Le monde est vraiment agréable pour mon amour. Quand je vois dans tes yeux, ton regard me laisse sans voix. Les décrets de ma joie est incroyable. Toi et moi sans limite. Toi et moi sans limite. Mon amour, tu es une partie de mon cœur. Quelle que soit la durée de la pluie, l'arc-en-ciel apparaîtra. Et là, comment va voler mon vent et Salimam va bien. Je suis ravi au nom de l'amour. Yagabe Sika, voler moi comme Elinga Lengi, Kole Kabombo na Sukale. Ami Bengi, mais c'est l'amour. De ma vie, laisse-moi te porter dans mon cœur. Voyez-moi jusqu'à la fin du monde. Je te jure, je te serai fidèle. Béni de Abdallah. I love you, baby. Allez-moi, salimi. Alléluia.